Est-ce que tu sais que ton poète favori écrivait ses poèmes le matin avant d'aller au travail? Méchanceté n'est du mal qu'on a à vouloir se nier, s'oublier dans un lit. Il trouvait que le calme du matin. Et quand on n'oublie pas sa propre vie, on devient d'autant plus capable d'amour. Oui. C'est bon pour ce que t'as. De toute façon, je travaille à la jusqu'à 7h du matin. Le printemps du cœur de l'hiver. Laisse-moi te caresser un peu, s'il te plaît. Et ce qui est drôle, sans Peterman, c'est qu'une fois installé dans le responsable d'une maison, oubliez des livres de médecine. Quand j'étais petite un jour, un homme dans la rue m'a demandé si je préférais le vin ou le chef-d'œuvre. Il s'est aperçu que pour apprendre leur métier, les jeunes infirmiers portaient pour travail d'énormes bouquins. Alors il a fait les jeunes. Uniquement pour rendre la vie plus facile aux jeunes infirmiers. Crois-tu que le confort des jeunes infirmiers soit plus important que la poésie, hein, Isabelle? Sûrement pas. Parce que tu crois peut-être que la poésie est indispensable à leur vie, c'est ça? Comment tu entres? Je me laisse un peu. Regarde autour de toi. C'est pas vrai. Je regarde. Je vais te réchauffer. Regarde cette femme. Je suis curieuse de connaître le goût de ton corps. C'est un bonheur de pouvoir observer. Les différents goûts. Elle va se rendre qu'elle va mourir le prochain poème. Tu veux le plus tard, je ne vais jamais dans ce monde. Je pense que c'est mal si vite. Je dors. Je n'aime pas travailler. C'est parce que tu as cru n'être pas malade. C'est si. Dis-moi. Expliquez-moi. Je ne voudrais pas partir avec toi. Le son de votre voix qui devient de plus en plus clair. Je suis pas énervée. Dans ce sens, c'est le fruit qui s'arrête. Un mot et lumière. Il faut que je trouve toute seule. C'est un chant qui illumine un mot fort, très simple. De toute façon, les gens qui pensent comme toi ne sont pas vrais. Il n'y a que moi qui l'entends. Pourtant, sans amour, uniquement. Et après, je vous dévoile une fois. Jusqu'au bout. On ne sait pas quel est le point où l'une cesse de reculer et l'autre commence à avancer. Viens au lit un peu. Vous avez de la vie à idiot. Non. S'il te plaît. Juste un peu. J'ai foiré tout.